mon amour daigne me permettre. Pendant que je respire encore, de t'annoncer par cette lettre ma mort. Maman. Le mot permettre prend de thé. C'est bien, je vais en rajouter. Je t'ai tant aimé, ma petite, que la vie est vaine sans toi. Et c'est pour ça que je te quitte. Plains-moi. Plains-moi. Plains avec A, pas avec E. C'est bien, je vais le corriger. Je n'étais pas malin, j'étais tendre. Il en est pire et de meilleur. Alors, je vais aller t'attendre ailleurs. Allez, c'est un infinitif. Je le croyais facultatif. Je t'attendrai sans impatience. Mais tâche de te hâter un peu. Ne fais pas d'imprudence. Ne fais pas d'imprudence. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu. Laissez-moi passer, enfin, laissez-moi vous passer, quoi. Madame est invitée. Si je suis invitée, c'est moi qui depuis 3 mois suis la mère de la débutante. Ah, pardon, madame. Dites donc, mon ami, bon buffet chez vous? Oh, madame, filet de bœuf, salade russe, foie gras, saumon. Frais, le saumon? Oh, madame, ici tout le poisson vient des Halles. Ah, eh ben mon vieux, si tu crois que c'est une raison. Oh, je n'aime pas les artistes. Eh ben, et ma fille, alors où est ma fille? Voco, voco, la mamma, la corrida de la tampa, cigarreras a la sierra de la jota. Oh, enfin, nous sommes seuls. Oh là là, c'est espagnol, moi je m'y ferai jamais. Mais faites semblant, faites comme moi. Oh ben toi, pardi, toi t'es stupéfiante. T'as un aplomb, et puis tu gueules, une vraie femme du monde. Tout ça grâce à monsieur du parquet. Dire qu'il a quitté les Halles pour ne s'occuper que de toi. C'est lui qui m'a fait ce que je suis. Il m'a tout donné et jamais il ne m'a rien demandé en échange. Oui, ben ça c'est d'une inconvenance. Enfin te voilà. Oh. Ça va? Tourne-toi. Oui. Marche. Ondule, ondule. Eh ben, et moi? Moi aussi, j'ondule. Arrière, faux Goya. Faux Goya! Depuis que je suis en espagnol, ce que je peux me faire engueuler. Alors vous êtes content? Oh, si je suis content. Mais tu respires la chance, le succès, la gloire et le bonheur. Le bonheur? Oh, oh mon Dieu! Quoi? Oh, sais-tu qui je viens de voir là? Antonin. Antonin? Oh, je m'en vais! Mais tu es folle! Mais non, il a rompu avec Zenobie. Il n'aime que toi. Il est incapable d'aimer une autre femme. Oui? Eh bien, nous allons voir s'il me reconnaît. Señorita, excusez-moi, c'est le moment de chanter. Bravo. Oh, je suis émue. Je sens que je deviens mère.